Notre couple est en phase, c'est une valeur sûre. Notre amour, c'est la base qui se conjugue au futur. Notre couple est en phase, c'est une valeur sûre. Notre amour, c'est la base qui se conjugue au futur. Pour le fils, la fisse. Ces 6 années ont vraiment uni. De Poitiers à Paris, votre chemin était tracé. Maintenant, vous êtes jamais liés. Le Pax ne fut qu'une formalité. Ce 11 août restera jamais gravé. Nous attendons avec impatience que vous fondiez votre descendance. Que vous fondiez votre descendance. Notre amour, c'est la base qui se conjugue dans le futur. Notre couple est en phase, c'est une valeur sûre. Notre amour, c'est la base.